c'est le refrain d'elle avec l'air pur de ses sommets. Elle fait pas souvent dans la dentelle, ça fait dresser nos cheveux rebelles. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Anvers, c'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles rebelle. Ici Bruxelles. Bienvenue. I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. Thank you. mène, nous mène nos gars. Oui, et le rythme est beau, beau pour les mamies. Le rythme qui nous mène nos gars. Beau, beau pour les mamies. Le rythme qui nous mène nos gars. Le rythme est beau, beau pour les mamies. Le rythme qui nous mène. Le bébé qui nous mène, nous mène nos gars, oui, elle veut des mille beaux, beau pour les mamies. Le bébé qui nous mène, nous mène nos gars, oui, elle veut des mille beaux, beau pour les mamies. Le bébé qui nous mène, nous mène nos gars, oui, elle veut des mille beaux, beau pour les mamies. Le bébé qui nous mène, nous mène nos gars, oui, elle veut des mille beaux. Mozart. We'll be right back.

Yeah.